Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie, vous avez lu le Manifeste conspirationniste, un manifeste anonyme paru aux éditions du Seuil qui, comme son titre l'indique, revendique d'être conspirationniste. Voilà, titre explicité dès la première phrase, nous sommes conspirationnistes comme tous les gens sensés désormais. Alors évidemment, une telle publi-revendication a de quoi étonner. Pourquoi publier un livre manifestement conspirationniste? Qui se cache derrière lui? Pourquoi les éditions du Seuil se sont-elles engagées là-dedans? Eh bien alors, je préfère le dire tout de suite, je n'en sais rien. De la même manière, je n'ai pas la réponse à d'autres questions comme « peut-on tout publier ?» et même ce qui, sans être illégal, est bourré de raccourcis ou d'incompréhension, ou même, et tout simplement, ce qui est complètement con. Ah si, ça en fait, Guillaume, j'ai la réponse. Vu que c'est publié, je peux vous affirmer sans prendre de risque qu'on peut le publier. Et bien sûr, n'oublions pas le principe indiscutable, bien sûr, de la liberté d'expression. Alors une fois que j'ai dit ça, de quoi je ne parlerai pas, sur quel principe de réalité et de droit je ne reviendrai pas, alors que dire de ma lecture de ce week-end? Eh bien, c'est là où je suis embêtée, parce qu'en fait, j'ai rien compris à ce que j'ai lu. C'est-à-dire, vous n'avez rien compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors déjà, je n'ai pas compris le plan du livre, ni donc l'enchaînement des arguments. Pourquoi me parle-t-on des soulèvements de 2019, après de la guerre froide, pour passer ensuite au nudge, ok? Après, je n'ai pas compris certaines phrases. Par exemple, je vous en cite une. La pluie drue des faits du jour file par les gouttières de l'esprit. Ouais, mais figurez-vous ça, l'image. Ça coule, style qui coule. Voilà. Ou alors, peut-être, justement, n'ai-je pas compris le style. D'ailleurs, en parlant de style, pourquoi certaines phrases sont-elles en gras? Pourquoi y a-t-il des anaphores partout? Ou des métaphores telles, je vous laisse le... Le coup de mars 2020 a partout pris la couleur locale, doloriste macabre en Espagne, gris fonctionnel en Allemagne, pastoral hystérique en Italie, furieusement disciplinaire et faussement égalitaire en France, sereinement désordonné en Grèce, gore assassin aux Philippines. Est-ce une parodie? Voilà, mais surtout, je n'ai pas compris l'enjeu du livre. Pourquoi être conspirationniste et pourquoi conspirationniste plutôt que complotiste? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi conspirationniste plutôt que simplement critique? Et pire que tout, face à tout mais pourquoi, je n'ai trouvé aucune réponse, ce qui est quand même très fâcheux, Guillaume, car se dévoile tout le paradoxe, moins du conspirationniste que du manifeste. Bon, et quel est le paradoxe du manifeste, Géraldine? Eh bien, il ne sert qu'à convaincre ceux qui sont déjà convaincus ou ceux qui ont déjà des affinités. Ça concerne d'ailleurs tous les manifestes. Le ton assez péremptoire et snob, le style toujours poseur, justement un petit peu parodique. Ceux qui écrivent des manifestes savent. Ils ont, je cite celui-ci, le manifeste conspirationniste, le recul nécessaire. Ils sont profonds, mais ils l'écrivent en italique. Ils entendent, je cite encore, plastiquer les entraves mentales, arracher à l'impuissance, tout en ne voulant surtout pas la gloire, non pas du tout. Ils ne redoutent rien, ça aussi c'est une citation. D'ailleurs, ils ne doutent jamais, ça c'est de moi. Ils veulent nous épargner bien des servitudes tout en s'épargnant, je cite encore et encore, le style démonstratif, les notes de bas de page, le lent cheminement de l'hypothèse à la conclusion, ce qui explique sûrement ce problème, qu'un manifeste soit souvent le contraire de ce qui est manifeste, entendez donc logique, et que j'ai vu défiler une série de propos sans savoir où on voulait en venir, sauf bien sûr à me dire que j'étais trompée, aveuglée et impuissante. Mais voici mon cheminement à moi, de l'hypothèse. Et s'il valait mieux être impuissant et aveuglé, mais avec des notes de bas de page et des démonstrations, et voici ma conclusion. Oui, c'est mieux, mais je n'en ferai pas non plus un manifeste.